Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Pierre Péladeau et le succès de sa réussite. C'est que Pierre Péladeau, il était très de chacun. Les gens, c'était pas un homme inaccessible. Les gens n'avaient pas l'impression qu'il s'agissait d'un grand mandarin, de quelqu'un qui vivait quelque part dans une tour d'ivoire, entouré par ses grands succès d'affaires. Il était très, très près des gens, très disponible. Cette proximité avec les gens dont parle l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, à propos de Pierre Péladeau au moment de son décès en 1997, sera toujours étroitement associée à la vision qu'il aura de ce que doit être un journal. Pierre Péladeau n'aimait pas les prétentieux et sa seule prétention à lui comme grand propriétaire de presse était d'offrir un journal qui attire le plus grand nombre de lecteurs possible. Son Journal de Montréal va devenir assez rapidement le journal le plus lu du Québec. Il va aussi devenir l'emblème de ce vaste empire que va construire Pierre Péladeau avec le groupe Québécois. Ça me fait souvent sourire, c'est quand on dit des journaux sérieux, par exemple. Mais c'est pas des journaux sérieux, c'est des journaux plates. Des journaux qu'on ne lit pas. Comme bien les journaux américains. Ah bon, d'accord. C'est le nombre de journaux français. Pourtant, quand on parle de journaux sérieux, vous avez quand même donné un coup de main, un coup de pouce au Devoir, qui est considéré comme le journal sérieux. Le journal Le Devoir a changé énormément depuis 5 à 6 ans. D'une platitude royale qu'il était. Il est devenu d'abord visuellement beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressant. Et quant au journal lui-même, ils ont laissé tomber un paquet de choses qui n'avaient pas de valeur, qui avaient de la valeur pour quelques petits cons de coin de rue qui s'imaginaient qu'ils connaissaient quelque chose alors qu'ils ne savaient pas lire. Vous êtes dur, vous êtes toujours comme ça. Hein? Oui. Votre opinion, elle est blanche ou noire? C'est la mienne. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement la vraie, mais j'ai la mienne, puis il y a un certain nombre d'années que je l'exprime. Comment arrivez-vous, M. Péladeau, à concilier, j'allais dire, un esprit qui pourrait vite devenir tyrannique et une tolérance? Parce que j'ai l'impression que vous êtes très tolérant face aux autres. Aujourd'hui, oui. Il fut une période où j'étais très dur, et où j'acceptais plus ou moins je dirais pas la réplique, j'acceptais la réplique, mais j'acceptais la réplique qui était agressive. À ce moment-là, je fonçais vite. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui foncent quand ils ont peur. Il y en a d'autres qui s'écrasent. La peur est la base d'un certain nombre de gestes que l'on pose. Et dans mon cas, moi, j'étais plutôt le genre à foncer. J'étais plutôt le genre à m'asseoir puis à m'écraser. Alors, j'ai vécu comme ça et j'admettais pas facilement qu'on se mette dans mon chemin. Et je dirais que si on se mettait trop dans mon chemin, mais il y en a un des deux qui cassait. Et c'était pas vous. Souvent, c'était pas moi. j'étais doué pour la force, que voulez-vous. Pierre Péladeau à l'émission L'oreille musclée, animée par Chantal Joly en 1986. Formidable extrait. Il y en aura d'autres, vous allez voir dans cette émission, des extraits vraiment fabuleux. Pour nous décrire ce personnage qu'a été Pierre Péladeau, nous raconter aussi son parcours exceptionnel, je reçois l'historien, journaliste au Devoir, Jean-François Nadeau. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vrai que c'est bon. Ça part bien une émission, oui, comme extrait. Ça nous dit quoi sur l'homme? Quand vous pensez-vous à Pierre Péladeau? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Bien, déjà, dans sa voix, le style, l'énergie, hein, il mord dans les mots. Tout de suite, il y a une grande, grande énergie qui est là. Il y a une puissance qui est là, qu'il travaille. Il y a un style à lui qui est là, qui est volontairement placé. Et il s'amuse. Il s'amuse, oui, mais il le sait qu'il est en train de construire quelque chose. Ouais. Il est au fond une sorte de Rastignac, hein, le personnage de Balzac qui a les dents longues, qui veut mordre dans la vie, sa vie, pour construire quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'au Canada français, on a très peu de personnages de ce type-là qu'on peut suivre. Des gens qui partent de loin, qui ont une grande ambition, ben, et qui veulent arriver quelque part. Qui partent de loin, ça, c'est la mythologie, encore une fois. Ils partent d'Outremont, quand même. Ah, bien sûr, il y a des problèmes, mais c'est pas le seul à avoir eu des problèmes à cette époque-là. Non, il vient pas de la petite école du Rhin. Il a fréquenté des écoles particulières aussi, les meilleures écoles de l'époque. Hein. Cette espèce de presque de mépris affiché pour la chose intellectuelle, alors que lui-même va fréquenter l'Université McGill, les meilleures universités, les meilleurs collèges, étudiant en philosophie, qui se pique quand même de culture, c'est un amateur de Beethoven, etc. Il y a quand même une sorte de mélange dans tout ça entre le personnage projeté et le personnage réel, qui est considérable, qu'on n'a pas démêlé parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie en ce pays, semble-t-il, pour étudier ces personnages qui relèvent du monde des affaires, ouais. qui sont pourtant très, très, très intéressants pour comprendre une société. Les deux seules biographies qu'on a, au fond, de Pierre Péladeau, pour l'instant, elles sont le fait d'un même homme, ou à peu près, ouais. Jean Côté, dans le cadre d'une seconde, il est aidé de François-Xavier Simard. Ce sont des biographies apologétiques, hein, où on n'a pas de travail de fond, véritablement, pour situer ce personnage. Et ô combien mériterait-il ouais. une plus grande attention? Être complexe, probablement. Un homme d'action, je pense qu'on peut quand même dire ça. Il va choisir de faire des affaires, il va choisir de faire de l'argent. C'est lié à ce désir, cette soif de réussite. Donc, je dis homme complexe parce que j'ai l'impression, vous le dites, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui écoute de la grande musique, donc qui s'intéresse aux idées, mais qui n'est pas un homme d'idées, qui est un homme d'action, probablement, d'abord et avant tout, non? Oui, bon, il y a un enthousiasme certainement pour le caractère autoritaire de certains personnages. On le voit dans les années 50, par exemple, il a une affection pour Nietzsche, hein, cette volonté de puissance qui comprend à sa façon aussi l'idée que l'homme, dans sa toute-puissance individuelle, est capable de se projeter sur la scène, et il le dit là, dans cet extrait d'entrevue, plus souvent qu'autrement, c'est l'autre qui casse. Il y a une ouais. espèce de volonté de force qui est presque sexuelle. Hein. On va même, dans une de ces biographies-là, expliquer qu'il fait des concours au moment où, parmi les milliers de petits boulots qu'il va avoir, là, à un moment donné, il va être plus ou moins recruté comme marin à la Marine Union Training avec son ami Guy Lefort, qui, semble-t-il, est muni d'un sexe surdimensionné. Il va montrer, grâce à son ami, que les Canadiens français sont plus forts que les autres, mais grâce à une puissance sexuelle. C'est quelque chose d'un peu particulier. Mais ça va faire partie de sa vie, ça. On l'a dit, homme à femme. Je lisais quelques articles pour préparer cette émission. J'ai l'impression qu'il y a peut-être c'est peut-être réducteur, mais j'allais dire, il y a peut-être deux grands moteurs dans sa vie, les femmes, le sexe et l'argent. Ben, l'argent, je pense, on ne va pas faire de la psychanalyse, c'est pas très intéressant dans le cas qui nous occupe, mais il y a une volonté, en tout cas, de racheter un élan initial familial qui est là très, très présent. Son père est un marchand de bois. Le bois, c'est le papier, au fond. Et son père découvre, d'ailleurs, que dans l'industrie du bois qui est en pleine croissance dans l'entre-deux-guerres, il pourrait peut-être lui aussi faire de l'argent au-delà des planchers qu'il fabrique. Hein, son entreprise, ça s'appelle la Montreal Flooring. Il va se faire flouer, là, ouais. il va tout perdre. On va plutôt que de faire faillite, payer les dettes, apparemment, ce qui va mettre la famille en difficulté. Sa mère se retrouve seule parce que le père meurt d'un cancer prématurément, se retrouve seule avec des enfants. Et son frère, dont on ne parle jamais, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, pourtant son frère, avec André Dussault, qui est un de ses amis, Paul Péladeau, va lancer les éditions Variété, alors qu'il avait l'intention, juste avant le début de la guerre, de lancer au Canada français une sorte de Paris Match. Il y a quelque chose de son frère qui va venir. Ça ne fonctionne pas parce que la France est vaincue en 1940, ils vont publier des livres ici sous le nom des éditions Variété. 879 titres, c'est un des plus grands éditeurs pendant la guerre, son frère, et ça va s'effondrer aussi. Et son frère, Pierre, est un peu dans cet univers-là aussi. Hein? Avec ce ressort, cette volonté, on ne fera pas encore une fois dans la psychologie à cinq sous, comme vous disiez il y a un instant, mais un père qui fait faillite, son frère qui se casse les dents aussi dans cette entreprise d'édition. Donc, c'est comme un ressort pour lui. Il veut un peu venger son père et son frère. Et ça va marcher pour lui. Très vite, il va avoir la bosse des affaires. Puis assez vite, il va se tourner vers le monde de l'imprimerie, de fait. Oui, il y a la bosse des affaires, ça tient aussi à des coups de chance, à de l'énergie, bien sûr, à des capacités, mais à des capacités de rencontre aussi. Son premier hebdo, il l'achète à 25 ans, 1 500 $. Ça paraît plus déjà depuis 3 mois. C'est le journal de Rosemont, hein, ce qui est un hebdomadaire. Il va engager un seul journaliste. Mais il en engage un maudit bon. Ouais. Il engage Pierre Vadeboncœur, ouais. qui est probablement un des meilleurs écrivains qu'on a eu, qui fait tout lui-même. Et il va relancer le journal en lançant un concours, Miss Rosemont, qui n'est pas une chose qui est particulière à Pierre Péladeau pour l'époque. C'est quelque chose de son temps, littéralement. Et très rapidement, il va en acheter beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Le journal Le Canada, qui ferme le journal libéral, il va racheter le matériel de presse, même si c'est de l'imprimerie qui est un peu datée. Même chose pour les éditions Fidesz, qui sont des religieux de qui il reprend du matériel. Puis, en moins de deux, là, en 3 ans, il est propriétaire non seulement du journal de Rosemont, mais de l'Est montréalais, du Guide de Saint-Michel, du Guide de l'Est. Il va bientôt acheter Nouvelles et Potins, le journal des vedettes, Radio Monde, Photo Vedette, le Grand Journal, Le Grand Journal Illustré, Nouvelle Illustrée, Écho Vedette, c'est énorme, mais tout ça, on l'oublie, ça a un caractère très particulier. On dit, invente ça, le journal. Non! Ça existe déjà au Canada français, notamment l'Illustration Nouvelle et le Petit Journal dans les années 30 sont exactement ce type de journal tabloïd qui font qui mise sur le sexe, en tout cas, sur l'attirance avec le sport, sur les faits divers et tout ça. Et il va réactualiser ça d'une certaine façon. Avec son grand coup, ce qui deviendra un petit peu l'emblème de l'Empire québécois, l'achat, la création, pas l'achat, la naissance du Journal de Montréal le 15 juin 1964. M. Peladeau, est-ce que la grève des employés de la presse a quelque peu influencé la création de votre journal? Nous envisagions depuis déjà un très bon moment le fait de lancer un quotidien. La grève de la presse a peut-être un peu hâté nos gestes. Je pense que pour lancer un journal, il faut présenter une formule qui soit originale. Notre formule, que la presse soit là ou ne soit pas là, est une formule unique. Je ne crois pas que si la presse eût été là, il y eut des changements majeurs. Quel sera le tirage ou quel est le tirage si on peut le connaître? Nous avons roulé 100 000 copies ce matin. Et à 7-8 heures ce soir, il n'en restera pas énormément dans les dépôts. Votre journal s'appelle le Journal de Montréal. Est-ce à dire qu'il ne sera qu'un journal métropolitain et que même après plusieurs années et même après beaucoup d'années de succès, vous confinerez à la région de Montréal? Vous avez remarqué que le journal porte en tête le Journal de Montréal, mais le journal est beaucoup plus gros que Montréal. Ce qui nous permettra, en temps voulu, si nécessaire, d'enlever de Montréal et d'en faire strictement le journal, si ça se prouve nécessaire à ce moment-là. Mais indépendamment de ça, je crois que la nouvelle actuellement est à Montréal. Montréal est la métropole, le mouvement se fait ici. Et c'est ici qu'est vraiment que part le courant. Pourquoi il se lance dans cette aventure du Journal de Montréal? Pourquoi le Journal de Montréal est... Il veut créer ça, Pierre Péladeau. Il y en a déjà beaucoup, des journaux. Hein? Ouais. C'est la prochaine étape, c'est d'avoir un quotidien. Il y a beaucoup d'argent à faire dans les journaux à l'époque, dans l'imprimerie surtout. C'est l'imprimerie qui est le nerf de l'affaire. Hein? Et alors, cette grève-là de la presse, elle va durer 7 mois. Il en profite, bien sûr, mais il y a un autre journal qui veut se lancer au même moment. C'est le Métro Express, qui va, lui, avoir le tort de paraître 9 jours après le Journal de Montréal. Et là, il faut bien croire ce que Pierre Péladeau dit. Il dit 100 000 copies, mais les chiffres fluctuent énormément selon les témoignages qu'on peut avoir. C'est 50 000 exemplaires, dit-on, 40 000 à d'autres endroits. Et puis finalement, quand la presse reparaît, parce que c'est pas un journal d'une haute tenue, le Journal de Montréal au départ, ça ressemble un peu à ces petits hebdos. C'est fait rapidement du jour au lendemain. On a appelé la veille les collaborateurs des petits hebdos, puis on leur a dit « Veux-tu participer à un journal quotidien? » On fait ça presque dans un garage, puis c'est parti, puis on y va, puis ça pense. Ça va être 10 000 12 000 copies au moment où la presse, qui est un vieux journal, qui est là depuis 1885, au moment où ça reparaît. Donc, il le tient à bout de bras. Il sait, il pense que ça va durer. Et son grand coup, au fond, on n'en parle jamais, mais c'est 1965, c'est la création des messageries dynamiques, parce que c'est beau d'avoir des journaux, mais il faut pouvoir les livrer. Messagerie dynamique, ça va être son cheval de Troie, ça va être son cheval de bataille. C'est ça qui lui permet d'imposer partout. Et il va engager... Et qu'est-ce que c'est, Jean-François? Messagerie dynamique, c'est son système de distribution. Ce sont des camions. C'est le système qui lui permet de dire, à tel endroit, il va y avoir tant de copies, à tel autre, c'est moi qui vais les porter directement. Et il va... c'est Paul Leduc, un ancien lutteur, qui raconte ça. Il dit, un jour, je fais une entrevue à la télévision et Pierre Péladeau me téléphone. Il dit, je veux que tu travailles pour moi. Il dit, au moment que j'arrive dans le bureau de M. Péladeau, un de ses secrétaires est en train de lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un lutteur? » Et Péladeau lui dit « Ben non, tu vas travailler pour moi. » Et après très peu de temps, c'est le Duc, un ancien lutteur, un habitué des méthodes pour convaincre, disons, raisonnablement fortes, qui va être à la tête de messagerie dynamique. Ouais. Et miraculeusement, partout, bientôt, les publications de Péladeau sont assurées, leur distribution. Il impose sa présence. Et ses publications. Ouais. Revenons quand même, vous l'avez rapidement évoqué, à quoi ressemble ce fameux Journal de Montréal. On l'écoute dans un extrait qui est aussi pas piqué des vers, répondre aux questions du jeune journaliste à l'époque, James Bamber, le 15 septembre 1966. Monsieur Péladeau, votre Journal de Montréal faisait ce matin sa manchette avec un chanteur yéyé qui serait attaqué par l'Expo. C'est peut-être rentable, mais est-ce qu'il s'agit là d'une information équilibrée quand on pense que la plupart des quotidiens sérieux du Québec ou du pays font, eux, leur manchette avec la conférence fédérale provinciale qui a l'avantage de n'être pas un fait divers? Vous faites remarquer d'abord que vous n'avez pas noté précisément. Il y a évidemment une manchette qui est un titre. D'autre part, il y a une photo avec un autre titre qui est exactement ce que vous venez de dire. Mais une photo, ce n'est pas un article. C'est monsieur, c'est vieux comme la terre, qu'une photo vaut 1000 mots. Je vous apprends rien. On voit bien qu'il y a M. Johnson, on voit bien qu'il y a le premier ministre de l'Ontario, mais est-ce qu'on explique la position du Québec? Non, on n'explique pas la position du Québec à ce moment-là. La position du Québec est expliquée à l'intérieur. Quelle serait, M. Péladeau, la recette de votre succès? Ben, je pense que vous l'avez là. D'abord, tout dépend de ce qu'on entend par succès. La recette du succès d'un journal, c'est d'abord de le vendre. Si vous ne vendez pas le journal, il n'y a pas de journal. On vient d'en avoir une expérience pénible hier avec la disparition de Metro Express. Ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre, Jean-François Nadeau, sur la vision qu'a Pierre Péladeau de ce que doit être un journal? Bon, c'est une vision qui est partagée par tous les magnats de la presse, c'est-à-dire établissez le tirage d'abord, puis ensuite vous ferez bien ce que vous voudrez, les gens vont finir par le prendre de toute façon, puis vous imposerez vos vues. Ce qui n'est pas bête, qui a réussi à des grands magnats comme lui, d'ailleurs. Hein? Mais évidemment... Une photo, c'est pas vrai que ça vaut 1000 mots. Hein? Ça, c'est une passe-partout qui est commode, qu'on emploie. Mais non, ça, on peut faire dire toutes sortes de choses à une photo. C'est pas un texte. Le grand coup de Péladeau à ce moment-là, ça va être de développer considérablement le divertissement. Oui. Il comprend qu'il y a une unité particulière en Amérique qui est celle du Canada français dont il peut profiter. C'est un microcosme dans lequel il peut faire pousser les plantes qu'il veut. Et il crée lui-même l'actualité d'une certaine façon. Il va débaucher Jacques Beauchamp du Montréal Matin en 1969. Jacques Beauchamp, c'est le très grand journaliste sportif à l'époque qui attire des foules. Et à partir de ce moment-là, là, il va s'attirer une clientèle supplémentaire. Et là, ça fonctionne. Le Journal de Québec va pouvoir prendre son envol et il va tirer avec ses deux locomotives principales-là l'essentiel de toute sa petite presse qui est derrière. Jacques Beauchamp, c'est le hockey, c'est le sport. Et le sport, ça va être un de ses fameux 4S. Parce que c'est ça, la philosophie Péladeau. Beaucoup d'images, d'abord. Ça, ce sera toujours le cas au Journal de Montréal. Mais sexe sans sport, spectacle. C'est ça, la formule. Oui, au fond, c'est une formule assez classique, qui est celle du tabloïd, qui va essayer de développer ailleurs aussi. Hein. Il va tenter à Philadelphie d'exporter cette façon de faire-là. En 1977, avec le Philadelphia Journal, il se casse les dents, littéralement. Hein. Ouais. Il va essayer aussi de le faire en anglais une nouvelle fois, à Montréal, cette fois avec le Montreal Daily News. Hein. Après 21 mois... Ça s'effondre aussi, le journal. Donc, il n'y a pas que des bons coups, bien sûr. Beaucoup de ces petites feuilles-là ferment avec le temps. Ce sont des vaches à lait, littéralement. En 1981, c'est 17 millions de pertes. Il y a des gens qui vont dire « Ah, Pierre Péladeau, c'est plutôt quelqu'un de désinvolte. On peut pas trop faire confiance. Il est trop rapide. » Mais il a une ligne de fond, une énergie, une capacité à foncer où il aurait pu se river le nez, littéralement. On en a d'autres, des exemples de personnages de ce type-là qui s'écrasent, littéralement, étant trop convaincus de leur supériorité. Mais c'est un empire, en fait. On l'a peu dit, on a évoqué le fait qu'il y avait des imprimeries, mais ce sont des journaux, c'est des magazines, c'est des imprimeries. Ils diversifient puis s'arrangent pour que ce soit rentable, ce groupe québécois. Un mot sur l'absence de ligne éditoriale officiellement dans les journaux de Pierre Péladeau. C'est un nationaliste, Pierre Péladeau. C'est un homme qui croit au pays du Québec. Jamais il va mettre ses journaux au service de cette philosophie. Il n'y a pas de ligne éditoriale officiellement au Journal de Montréal. On va en parler de ça. Pourquoi, dans la mesure où c'est vraiment quelqu'un qui croit, qui est un nationaliste convaincu, pourquoi il ne met pas sa machine au service de ses idées? Mais je vous propose d'abord de l'écouter. Il y a un lien, vous allez voir, nous raconter comment il recrute René Lévesque à titre de chroniqueur en 1970, extrait de l'émission actuelle du 21 mai 1985. L'autre élément qui a été intéressant aussi au Journal de Montréal, c'est René Lévesque. René Lévesque, on était aux élections de 70, et il s'était fait battre dans son comté, puis le PQ avait remporté 6 ou 7 comtés, ou au moins. En tout cas, ça avait été une dégelée assez royale. Alors, Lévesque se retrouve avec, je pense qu'il y avait 500 000 votes à Montréal, ou 700 000, en tout cas, les chiffres, c'est secondaire, mais il y avait un grand nombre de votes à Montréal, mais il n'y avait pas eu très peu de députés. Alors, Lévesque se retrouve à Montréal avec quelques députés, un grand nombre de votes, mais pas de job. Puis il n'y a plus de job. C'est bien clair qu'il ne peut plus retourner à Radio-Canada. Et puis il n'y a pas de job dans aucun des journaux. Moi, je pense à ça, puis je me dis, ma foi du bon Dieu, l'évêque, avec le nombre de votes qu'il y a là, il y a un maudit follow-up, ce gars-là. Il y a de l'intérêt, ce gars-là. C'est un gars qui ça va à peine. Il y a quelque chose à dire à part de ça. C'est un gars qui c'est un personnage. Alors, je l'appelle. Et puis il vient au bureau, puis on discute de la possibilité qu'il s'en vienne chez nous, qu'il écrive une chronique. Puis je dis, oui, ça marche. Il me demande, moi, je vais avoir, il dit, pleine latitude. Je dis, oui, mon cher, vous allez avoir pleine latitude, dites ce que vous voudrez, en autant que ce soit pas libellé. ces libellules, vous allez goûter. Mais si, autrement, si vous avez toute la latitude d'écrire ce que vous voulez, c'est comme, non seulement dans votre cas, l'évêque, mais dans le cas de Beauchamp, c'est la même chose. Dans le cas de Ruffian, c'est la même chose. Dans le cas de Maurice Côté, c'est la même chose. Enfin, dans le cas de tous nos chroniqueurs, ils ont la latitude de s'exprimer. Il a donné le même élan. Il a créé un élan fantastique, de sorte que, quand, après avoir publié cette chronique-là, j'ai eu des demandes des autres partis qui voulaient aussi une partie, une compensation quelconque. Alors, Bourassa avait sa chronique, Jean Marchand avait sa chronique, une fois par semaine, etc., etc. De sorte que ça a fait un mouvement de page politique, page dite éditoriale, mais une page qui avait quelque chose à dire. Et c'est une page qui a fonctionné, très, très bien fonctionné. Donc, l'entrée de René Lévesque a été excellente. Il a été nous chercher aussi, je ne me rappelle pas, de 20 à 30 000 lignes. 30 000 copies, je crois. Peut-être un petit peu plus. C'est intéressant cet extrait. On entend l'homme d'affaires, l'homme qui veut, qui a toujours les deux yeux rivés sur son tirage. L'homme qui s'intéresse aux idées politiques. Mais pourtant, là-dessus, Jean-François Nadeau, oui, il s'intéresse à la politique. Oui, c'est un nationaliste, mais pas de ligne éditoriale officiellement au Journal de Montréal. Oui, quand on en détermine une, quand il dit, bon, l'évêque m'a donné 20 000, 30 000 lecteurs de plus, on l'engage, l'évêque, c'est une plume formidable. L'évêque, on a republié récemment l'ensemble de ces chroniques-là du Journal de Montréal. Il est payé, selon l'introduction de cette republication-là, 200 $ par semaine pour 6 chroniques. Ouais. C'est un texte par jour, ça. Hein? C'est énorme pour très peu d'argent. Évidemment, l'évêque fournit, il est capable, il a les moyens intellectuels de faire ça. À la différence des autres qui n'écrivent, eh bien, moins bien, souvent qu'une fois par semaine, évidemment, il s'impose, il y a une présence. L'évêque va profiter de ça. Mais à quel point Péladeau en profite davantage, ça m'apparaît une question qu'on peut se poser. Comment vous expliquez ce non-engagement? La politique active, ça ne l'intéresse pas? Il n'y a pas de politique officiellement dans ce journal? En 1995, on racontera aussi qu'on est à un doigt de le faire passer dans un spot publicitaire où il se prendrait... faisait partie en faveur du oui au référendum. Finalement, il refuse. Au fond, son grand projet, c'est un projet d'indépendance de l'argent. Le sien d'abord et avant tout. Il n'est pas... Oui, il reste nationaliste, mais c'est un nationaliste, au fond, qui est relativement ancien. C'est le nationaliste du Canada français qui veut d'abord se libérer lui-même et qui reste, au fond, assez craintif derrière cette espèce de force totale qu'il affiche, qui est, au fond, un homme qui a ses faiblesses aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il laisse en terminant au Québec? On n'a même pas parlé encore de... Il laisse plein d'œuvres caritatives, c'est un mécène, mais qu'est-ce qu'il laisse au Québec essentiellement? Il laisse, bien sûr, un ensemble économique qui est assez puissant, qui existe encore aujourd'hui, qui a connu des soubresauts avec le temps, mais dont on voit encore le poids énorme en termes de communication, aujourd'hui en termes de musique, en termes de médias de masse, en termes de quotidien, en termes de télédiffusion, en termes de téléphonie. Québécois est devenu absolument incontournable. Et c'est tout à fait dans la lignée de ce que le père avait prévu. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, ami de l'émission, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.